Chapitre 2e. Dans la journée du lendemain, Lord Nunfond put apprécier davantage les merveilleuses qualités d'esprit de son jeune protégé. Il résolut de l'emmener à Londres avec lui et de lui faire donner une place dans la chapelle du roi. Wolsey se préparait à partir dès le jour suivant. Ce changement de fortune le ravissait sans l'étonner. Il avait été si frappé des paroles solennelles de la femme qui lui était apparue un instant dans sa prison, que dès lors il avait cru fermement en une brillante destinée. Il voulut la revoir et passa la dernière soirée qui lui restait à errer autour du donjon qui renfermait sa douce providence. Elle ne parut pas, et il reprit tristement le chemin de son pauvre logis. Il s'arrêta sur le seuil. Son feu s'était rallumé. Un fagot de bruyère sèche, jeté dans l'âtre, lançait par instant une flamme haute et vive, et à cette lueur, il crut voir une femme assise devant la cheminée. Si son esprit n'admit pas un instant l'idée d'une apparition surnaturelle, ses sens, du moins, en subirent l'impression. Le tressaillement qu'il éprouva n'était pas exempt de terreur. Mais un second jet de la flamme lui montra dans cette figure les traits de celle qu'il avait tant cherchée, et du même instant, il courut se prosterner devant elle. Elle était dans un vieux fauteuil au coin de la cheminée. Il prit un escabeau de bois et s'assit à ses pieds dans l'attitude de l'adoration. « Wolsey, dit-elle, vous partez demain pour Londres. Lord Nunfond va vous faire nommer chapelain du roi. Dans peu, vous vous élèverez au-dessus de cette place que votre protecteur vous donne, au-dessus de lui-même peut-être. Prenez ceci. » Elle tenait un portefeuille qu'elle remit au jeune prêtre. « Pour remplacer autant que possible l'expérience qui vous manque, voici, ajouta-t-elle, des notes sur les principaux personnages de la cour. » Voici de plus l'histoire privée du roi Henri VII. Avec ses instructions, vous le connaîtrez mieux que les courtisans qui ont vécu à ses côtés. Vous saurez ce qu'il faut être envers lui pour le captiver, quels souvenirs il faut évoquer pour le voir sourire, quels mots, au contraire, appelleraient la rougeur sur son front ou éveilleraient le regret dans son âme. Vous serez le maître de notre souverain. Elle remit en même temps à Wolsey des lettres d'introduction auprès de quelques-uns des seigneurs les plus influents de la cour. Ces papiers étaient marqués d'un sceau portant une rose blanche. « Oh, Milady, s'écria le jeune homme, vous croyez parler à un ambitieux et je ne le suis plus. Qu'importe l'obscurité, la misère. Depuis que j'ai pu vous voir, mon plus beau rêve d'avenir serait de vivre dans les lieux où vous vivez, d'entendre quelquefois le son de votre harpe, d'apercevoir votre voile blanc flotter sur la plateforme du château entre le ciel et la terre. » Elle examina d'un regard rapide la physionomie de Wolsey et dit « Ce front n'est pas si vaste qu'il ne puisse contenir que quelques rêves d'amour. Non, il vous faut une autre existence. Je n'en veux d'aucune sorte, si vous n'en êtes le but. Dites-moi si vous êtes né parmi les nobles dames ou parmi les plus humbles filles de ce comté. Dites-moi quelle sphère vous habitez, afin que j'y arrive. » Si c'est la plus élevée, j'aurai des ailes pour y atteindre. Si c'est la plus basse, j'aurai du courage pour y rester. Oh, Milady, vous, partout, vous, toujours, mais de grâce, qui êtes-vous? Eh, mon Dieu, une femme, le sait-elle. Dépendante de celui à qui le hasard l'a liée, elle est reine s'il s'élève au trône. Elle est moins qu'une sujette s'il tombe. Mais vous, homme, vous devez exister par vous-même. Demain, à pareille heure, vous devez être à Londres, à la cour. Votre place y est marquée, et ma pensée vous y suivra. » Après cette parole d'espoir qu'elle lui laissait pour adieu, elle se leva pour sortir. « Et maintenant, » dit tristement Wolsey en croisant les bras sur sa poitrine, « maintenant il ne me restera plus rien de vous que le souvenir de ce moment. Et vous voulez que je quitte cette place où je vous ai vu, cette chambre que je trouvais si misérable et qui à présent a tant de charme, cette chambre où je pourrais voir la trace de vos pieds sur la cendre de mon foyer, où je pourrais m'agenouiller, où vous êtes assise, prier, où vous avez parlé. Et vous voulez que je parte? Je le veux. Vous serez obéi. » Le lendemain, Wolsey était à Londres. Le cours de sa fortune surpassa bientôt toutes ses espérances. De simple chapelain, il devint en peu de temps aumônier du roi. Dans ce poste, il lui fut facile de gagner tous les jours quelque chose dans la faveur de son maître. Nommé à l'archevêque d'York, le premier de l'Angleterre, en récompense de sa célérité à porter des dépêches diplomatiques, Il fut nommé ensuite doyen de Lincoln, puis évêque de Tournai, puis cardinal et membre du Conseil. Enfin, lorsqu'Henri VIII prit possession du trône, il ajouta ses propres faveurs à celles dont son père avait comblé Wolsey. Le prince dans la vie duquel se mêlent si étrangement les vices et les hautes qualités, les crimes et les belles actions, ce prince eut une jeunesse très dissipée. Wolsey, qui avait toute la facilité de Dubois et le génie de Mazarin, était chaque jour le compagnon des plaisirs du prince. Après quoi, le ministre venait présider le conseil et régler savamment les affaires d'État, tandis que le roi théologien rédigeait de son côté ce livre latin contre les principes du luthérianisme naissant qui lui valut du pape Léon le titre, si peu justifié plus tard, de défenseur de la foi. La rapide fortune de Wolsey n'avait pas que les causes dont nous venons de parler. La protection de la mystérieuse habitante du château de Suffolk n'avait pas cessé de veiller sur les destinées du jeune prêtre, même à son insu. Le moment est venu de faire connaître la nature et la puissance de cette protection. Soit qu'un des fils d'Édouard IV eût réellement échappé aux assassins de Richard et se fût enfui de la tour, soit qu'un des fils naturels de ce roi, marqué au front de la ressemblance de son père, voulût prendre le titre de cet héritier légitime et revendiquer ses droits au trône, on avait vu dans les dernières années du règne d'Henri VII un jeune homme, nommé vulgairement Warbin Perkin, prétendre hautement au nom de Richard Plantagenet, duc d'York, et redemander, comme dernier descendant de la branche royale, la couronne usurpée par Henri Tudor. Les mécontents du nouveau règne lui formèrent bientôt un parti considérable. Henri VII fut obligé de prendre les armes pour les combattre, et le prétendant vaincu se réfugia en Écosse. Là, le roi Jacques le reçut avec bonté, eut foi dans le nom qu'il prenait, et pour garantie de sa protection, lui donna en mariage Catherine Gordon, sa cousine, réputée par la tradition la plus belle et la plus spirituelle fille de son temps. Le jour même du mariage, les troupes d'Henri VII entraient dans Édimbourg pour saisir le réfugié. Le roi d'Écosse, ne pouvant le résister ouvertement, Warbeck fut obligé de s'enfuir et d'aller rejoindre une dernière poignée de partisans qui l'attendaient sur la frontière. Cette bande, grossie au bout de quelque temps, s'engagea dans de nombreux coups de main avec les troupes royales. Le prétendant, vaincu de nouveau et mis en fuite, erra longtemps, se réfugiant dans les églises, qui jouissaient encore du droit d'asile, ou dans les déserts de l'Irlande, puis fut fait prisonnier et enfermé dans la tour de Londres. Cependant, Catherine Gordon avait pris le titre de duchesse d'York et placé dans son écusson la rose blanche, insigne de cette maison. Restée seule par la fuite de son mari, qui fut bientôt suivi de la mort du roi Jacques, cette princesse ne put demeurer à Édimbourg, où par prudence politique, Henri VII eut bientôt cherché à s'emparer de sa personne. Elle se retira dans le comté de Suffolk, chez Sir Amias Paulet, partisan des Plantagenets. Catherine Gordon était née sur une terre où le catholicisme avait de fortes racines et avait été élevée dans une cour pieuse entre toutes. Son âme, naturellement religieuse, s'exalta encore dans la solitude de cet exil. Peu de mois après son arrivée, se rendant voilée à l'église du lieu, elle fut frappée de l'éloquence du jeune prêtre qu'elle y entendit. La fille des rois bannis et fugitifs aimait d'un amour tout mystique l'homme supérieur, exilé aussi des hauts rangs de l'église dans cette pauvre chapelle. De ce moment, le cœur de l'exil fut plus heureux qu'il ne l'eût été dans le palais de ses ancêtres. Aussi, lorsqu'elle apprit que le pauvre pasteur de Suffolk allait partir pour Londres, emmené par Lord Nunfund, tout son bonheur fut près de s'évanouir. Celle qui avait perdu une famille, une patrie, l'espoir d'une couronne, pleura sur elle-même au moment de perdre un si pur amour. Bientôt, cependant, toutes ses pensées se tournèrent vers Londres. Elle découvrit qu'il y avait un moyen pour elle de l'habiter aussi. Femme d'un condamné à mort, elle devait, en y paraissant, être retenue prisonnière. Or, la prison d'État de Greenwich tenait au château de ce nom où la cour passait la plus grande partie de l'année. La forteresse avait même une tribune qui donnait dans la chapelle de la résidence royale, et c'était là que les détenus politiques venaient entendre la messe. Elle pouvait obtenir cette prison comme une grâce, et alors elle serait près de lui, et alors sa prière pourrait encore monter au ciel avec celle de Wolsey. La résolution de Catherine fut aussitôt prise, elle partit pour Londres. Sir Amias Paulet, la voyant quitter son refuge, fonda les plus grandes espérances sur les nouveaux soulèvements qu'elle allait sans doute susciter et auxquels sa beauté et son esprit devaient donner tant de force. Hélas, ce n'était point un tronc qu'elle allait conquérir, c'était une prison.